La voix, la question, dans le coin de ton œil. Inavoué, inavouable, ce désir que tu voiles d'un brossement de paupières. Cette œillade fautive, chargée d'envie mal fardée, que tu nieras toujours. Oui, je vous vois, vous, vous, et vous aussi, là-bas. Mais n'ayez pas honte, car j'étais des vôtres. Sache que ton désarroi a été le mien, la guerre, et que la culpabilité qui te ronge la festoyer de ma faim. Cesse donc de te faire passer pour ignare. Tu sais bien, en ton ventre intérieur, ce dont je veux manger. Comment, salive, n'y tues encore? Je préférais ne point être le bourreau, mais puisque je dois pratiquer la question. La voici donc, cette question, formulée dans le cadre aseptique de ta cuisine, qui t'a fait chanceler dans le reflet de l'argenterie trop propre, pour être honnête. Dans le reflet de la cuillère que tu tenais en main, dans un piètre pastiche de la faucille qui un jour fera de toi récolte. Faut-il gober les flambis? T'aurais pu le décliner qu'à l'éproge, qu'on me laisse rêver. Bonjour, ma cuillère. Salut, cocagne. Et mon flandou? Coucou. Mettons-nous à table, évidemment. Je ne mâcherai pas les mots. Cette question, vous l'aurez compris, ce n'est pas de la tarte. D'autres, avant moi, ont tenté d'y répondre, avec plus ou moins de succès. Sait-on ainsi, j'irai gober vos flambis, où le protagoniste haut en couleur cherche vengeance, qui est, rappelons-le, un plat qui se mange froid, sinon tiède. La consommation de ce livre à température idéale attisera le goût des mornes soirées d'hiver et adoucira la clameur de la boîte carrée au pied de laquelle les êtres humains, au patrimoine génétique étonnamment proche du vôtre, ont élu domicile. Attention, l'abus de littérature pourrait faire de moi des cultivés, à consommer en magazine. Dans la même veine, on en a encore dans ce coude, on pourra citer les flambis du mal, oui. On pourrait, mais on ne le fera pas. Car, à l'instar du précédent, cet ouvrage est une ode irrésistible à la consommation fulgurante des flambis. Cet art d'avaler prestement les choses apathiques, collantes et sucrées. Et comestibles, a fortiori, puisque vous venez d'en sortir un exemplaire du frigo. Et si, je vous assure, considérez l'assiette sous vos yeux. Cette ode extatique et sulfureuse, puisque frappée d'anathème et de censure pour atteindre aux bonnes mœurs, est une référence en la matière, bien plutôt molle. Mais aujourd'hui encore, il censeur de flambis, je vous le dis tout de gobe, votre rire en s'abattant ne fera que répandre alentour l'objet de votre courroux. C'est dans une gerbe de gluants morceaux que votre poing s'abattra, maculé de son forfait. Alors, oui, je ne vous le fais pas dire, vous aurez les mains sales, et devant le spectacle du malheureux vautré dans ses organes, assurément vous serez pris par la nausée. Goguenard, je me gosserai de vos doigts gourds et de votre gueule guindée dans ce rictus glacial si propre aux gens de votre espèce. J'éclaterai d'un grand rire méprisant, et tirant à moi un de ces flasques flancs, je l'éventrerai d'un mouvement vif et large, et le laisserai reposer, tête en bas dans mon assiette. Mais, quelle ne sera pas alors ma surprise? En effet, dans leur enfoncement aux courbes qui rappellent délicieusement celle du Vésuve, trônant fièrement de sa présence problématique, là, à la vérité, je hais ces complexités que la vie met en travers notre route. Ces questions si profondes que l'esprit n'en ressort que gorgé d'eau, plus noyé que mort. Ces lieux dont la seule mention suffit à faire trembler d'excitation et de peur. Celui qui aime la vérité comme une amante, dont il cherche désespérément les faveurs. Ne serait-ce que l'espace d'un instant, infime, infirme peut-être, mais bien heureux. Ah, nom de Dieu de putain de bordel de merde, saloperie de connard d'enculé de sa génitrice, que faire de cette languette? Avant de s'interroger plus avant sur l'avalage éclair, cette précocité savoureuse, ce dépassement des limites humaines, cette blitzstrig culinaire, il advient ainsi nécessaire de se poser une question d'ordre empirique. Quid du port de l'étiquette? À l'instar du look, les étiquettes collent à la peau. Alors Coco, si comme moi, tu préfères aller nu que couvert de post-it pour gambader sur le dur et froid carrelage, maculé du caramel vital perdu, goûte avec moi au flanc de l'inconsistance. Car cette étiquette veut notre mort, je te l'assure. Cette excroissance couverte de mots péremptoires et sibyllins est un mauvais sort jeté par ceux qui sont incapables d'appréhender le monde, au-delà du maigre jargon dont ils griffonnent les grossièretés sur tout ce qui les entoure. Alors, goûte avec moi le flanc de la solitude. Que ta main soit la mienne pour ôter l'étiquette qui nous sépare de la volupté. Que l'écho retentisse. À bas les étiquettes! En plus, elles ont mauvais goût. Bon, soit. Admettons, je te la vilaine, et maintenant? Maintenant? Nous voilà devant un dilemme. Lem, gober ou ne pas gober? La réponse est dans le flambeau. Que vous disent vos sens à la vue de cet édifice lissé de vidin? À la vue de ce flanc au flanc si suave, marbré d'un nectar irisé qui s'agglutine en fines gouttelettes prêtes à perler dans une caresse délicieuse. Au sentir de l'exhalaison doucereuse qui s'élève de cet être inextinguible. Allons, n'aimeriez-vous pas posséder ce dessert? Vous accaparer ses vertus? N'aimeriez-vous pas phagocyter cet être? Mais si vous avez le malheur de rompre l'unité du flanc, alors sa force vitale s'égarera sous l'action des coups de tuyaux destructeurs. On ne fait point de guerre pour deux flancs, mais parfois pour du flanc, on peut faire des esclandres. Alors gardez à l'esprit que votre choix peut conditionner de nombreuses réactions, notamment celle de votre chien qui renifle pesamment sur votre cuisse en l'attente d'un maigre morceau que lui gobera assurément. Disséquer le gâteau, c'est le perdra jamais. Vous qui voulez tant posséder, gobez-le, car assurément votre victoire sera totale. Gobe, gobe donc goulûment, à l'instar de ta bête. Mais l'appétit ainsi ne trouvera rien qu'un contentement éphémère. Et dans un râle lugubre, la faim vous rappellera que le forfait commis doit être renouvelé. Qui a gobé gobera. Le désir doit porter vers des cimes plus hautes, et à la manière d'Attila, devant les portes de Rome, gardez-vous de gober, contemplez plutôt.